première partie, chapitre 20, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Première partie, chapitre 20. Protestation de l'âme à Dieu pour s'établir dans une ferme résolution de les servir et pour conclure les actes de pénitence. Je suis signé très indigne, créateur de Dieu. Fais la protestation suivante en la présence de sa divine majesté et de toute sa cour céleste. Après avoir bien considéré l'immense bonté de Dieu qui m'a créé, conservé, soutenu, délivré de tant de dangers et comblé de tant de bienfaits, après avoir vivement senti tous les effets de sa miséricorde incompréhensible qui m'a supporté dans mes péchés avec tant de douceur, qui m'a rappelé à elle tant de fois par ses aimables et fréquentes inspirations, qui a attendu ma conversion avec tant de patience, jusqu'à cette année de ma vie. Quelque opposition que j'y ai pu apporter par mon ingratitude, par mon infidélité, par le délai de la pénitence et par le mépris de ces saintes grâces. Après avoir bien considéré la profanation que j'ai faite si souvent de mon âme et de toute la sainteté que j'avais reçue de mon sacre baptême et que j'avais vouée et consacrée à mon Dieu par la promesse qu'on lui en fit alors pour moi. Enfin, revenant à moi-même, prosterné de cœur et d'esprit devant le tribunal de la justice de Dieu, je me reconnais et confesse coupable et entièrement convaincu du crime de lèse-majesté divine et de la mort de Jésus-Christ, qui n'est mort sur la croix que parce que j'ai péché. Ainsi, j'avoue que j'ai justement mérité d'être éternellement damné. Cependant, après avoir détesté mes péchés de tout mon cœur, je me tourne aujourd'hui vers le trône du Père de miséricorde, et je lui crie « Grâce, mon Dieu, grâce !» Je vous la demande avec la rémission entière de mes péchés, au nom de Jésus-Christ, votre Fils, qui est mort sur la croix, pour mon salut. C'est en lui qu'établissant toute mon espérance, je renouvelle aujourd'hui, ô mon Dieu, la profession de toute la fidélité que je vous avais promise dans mon baptême. Ainsi, maintenant comme alors, je renonce au diable, au monde et à la chair, en détestant pour le reste de mes jours toute leur œuvre, avec leur pompe et leur concupiscence, et m'engageant irrévocablement à vous servir et à vous aimer durant toute ma vie, ô mon Dieu, infiniment débonnaire et miséricordieux. Oui, mon Dieu, c'est en cette vue que je vous consacre mon âme avec toutes ses puissances, mon cœur avec toutes ses affections et mon corps avec tous ses sens, en vous protestant que je ne veux plus me servir de tout ce qui est en moi, contre la volonté de votre divine majesté, et me dévouant à vous avec toute l'obéissance que vous doit une fidèle créature. Mais hélas, si par la malice de mon ennemi ou par quelque infirmité humaine, je manque de fidélité à vos grâces et à mes bonnes résolutions, je proteste que je ne négligerai rien avec la grâce du Saint-Esprit pour me relever au moment de ma chute. Voilà ma résolution inviolable et mon intention à jamais irrévocable, auquel je ne veux mettre ni aucune réserve, ni aucune exception. Je fais cette protestation en la divine présence de mon Dieu, à la vue de l'Église triomphante et à la face de l'Église militante, ma mère, qui la reçoit ici par son ministre député à cet effet. Daignez au Dieu éternel, tout bon et tout puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, recevoir en odeur de suavité ce sacrifice que je vous fais de tout ce que je suis. Et comme il vous a plu me faire la grâce de vous le présenter, qu'il plaise aussi à votre divine bonté, mais faire encore la grâce d'en remplir les obligations. Ô mon Dieu, vous êtes mon Dieu, le Dieu de mon cœur, le Dieu de mon esprit, le Dieu de toute mon âme. Je vous adore et je vous aime comme je veux vous adorer et vous aimer durant toute l'éternité. Vive Jésus. Fin de chapitre 20, première partie.